Audiomatique. Was an almost strange. I remember. Il revenait au défunt groupe américain REM d'ouvrir cette transmission 235 d'Audiomatic avec leur chanson « I Remember California » tirée de leur sixième album studio « Green » lancé en 1988. Vous êtes en compagnie des sonoristes pour une durée approximative de 60 minutes, pendant lesquelles nous tenterons de vous faire porter une attention toute particulière à votre environnement sonore. Thank you. À Audiomatic, nous venons tout juste d'entendre le projet britannique MAPS, mené par James Kenneth Chapman, qui nous présentait sa composition « It Will Find You » de son premier album « We Can Create ». Précédemment à MAPS, il s'agissait de « Spiritualized », groupe anglais principalement mené par Jason Pierce, qui était membre du groupe Spaceman Tree dans les années 80. Du premier album de Spiritualized, Laser Guided Melodies, paru en 1992, nous entendions la pièce I Want You. Et pour débuter ce bloc entièrement consacré à des artistes anglais, nous vous avons offert la pièce Lost Broadcast du projet Fault Line, incarné par David Costin, extraite de son album Your Love Means Everything. Audiomatic se poursuit sur la musique de l'artiste Steve Roach. à Audiomatic cette longue séquence musicale de près de 25 minutes se terminait sur la musique de la formation Zero Degree. La pièce que nous avons entendue, soit Shield, se retrouve sur l'album intitulé Probe. Avant Zero Degree, c'était l'artiste américain Steve Roach. C'est une figure marquante de la musique ambiante contemporaine. De son album Light Fantastic, paru en 1999, nous écoutions la pièce Realm of Refraction. Pour conclure la transmission 2-3-5 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter le groupe américain originaire de la ville de Boston, Opium Den, et leur composition The Puzzle, paru en 1993 sur leur premier album, Diary of a Drunken Son. Les sonoristes vous donnent rendez-vous pour la transmission 2-3-6 d'Audiomatic, qui se déroulera comme à l'habitude le mercredi, mercredi prochain dès 17h, toujours en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM. Entre-temps, vous pouvez accéder aux archives d'Audiomatic pour rassasier votre appétit sonore en vous rendant sur nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-cfou. Voici Opium Den et la pièce de Puzzle. C'était Audiomatic avec les sonoristes.